Le général de Gaulle parle au futur ambassadeur français au Tchad. Je cite. « Le Tchad est un pan de mur de l'édifice vermoulu. Il faut qu'il reste debout. » Explication de texte de Pierre Péan qui évoque ce propos présidentiel dans son livre « L'homme de l'ombre ». Votre mission est de maintenir en l'état le glacis de protection de la zone d'influence française, y compris par des solutions de force. 40 ans plus tard, malgré une présence militaire française continue, l'édifice est toujours aussi vermoulu. D'autant que la crise du Darfour, dans le Soudan voisin, précipite au Tchad des dizaines de milliers de réfugiés. Le président actuel, un seigneur de la guerre mis en place par la France, comme ses précédents d'ailleurs, règne grâce à une garde présidentielle musclée, principalement recrutée dans son ethnie d'origine. Une troupe accusée de multiples exactions commises sous le prétexte de combats contre les guérillas qui continuent de lutter contre le pouvoir central. Enfin, il faut ajouter un élément nouveau. Le Tchad est devenu depuis peu un État pétrolier. Pour son bonheur ou pour son malheur, le Tchad sera-t-il à son tour victime de ce que certains ont nommé la malédiction du pétrole, c'est-à-dire une richesse qui ne profite qu'aux dirigeants, accroît la corruption, détruit l'environnement et multiplie les sources de conflits. En tout cas, cette richesse attire de nombreuses convoitises. Il semble bien en effet que les Américains, qui exploitent cette ressource énergétique, en profitent pour pousser leurs pions dans une région qui traditionnellement a toujours été le pré carré de la France. Monsieur X revient donc sur l'histoire récente et secrète de cette ex-colonie où nos services spéciaux ont joué un rôle éminent et où les ingérences étrangères n'ont jamais cessé. Je vous l'ai souvent dit, l'ancien pouvoir colonial, en dessinant des frontières qui ne tenaient aucun compte des réalités ethniques et linguistiques, a en effet laissé aux pays africains un héritage bien difficile à gérer. Comment construire une unité nationale alors que tout sépare des populations disparates dont les coutumes et les traditions diffèrent ? On en a des preuves presque tous les jours. Vous voulez parler du Nigeria ? Oui, où une nouvelle guerre du Biafra peut éclater à tout moment dans le sud-ouest du pays. Ouais, là où on exploite le pétrole. C'est exact. Et c'est aussi une des raisons qui explique les mouvements de yo-yo du cours du baril. Mais je reviens à ce que je disais. L'un des exemples les plus caricaturaux de ces découpages géographiques artificiels est celui du Tchad, pays immense qui rassemble quelques 200 ethnies et qui, de crise en crise, de coup d'État en coup d'État, n'a vraiment jamais connu la paix et encore moins la démocratie. Un clan remplace l'autre et met aussitôt le pays en coupe réglée, régnant par la force et opprimant les autres ethnies. Il en est ainsi depuis 40 ans. Notre pays, la France, est souvent intervenue dans ces guerres internes. Et d'autres pays aussi, enfin, je vais y revenir. Mais pour la France, ça se comprend assez aisément. Le Tchad se trouve à la charnière du monde arabe et de l'Afrique noire. Il occupe donc une position stratégique au centre de notre ex-empire colonial. Mais je vous l'ai dit, c'est un pays ingouvernable. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, d'autant que nous avons déjà parlé du Tchad. À propos en particulier de l'affaire Clos. C'est juste, oui. Alors, un mot quand même. Au sud, au sud vivent des agriculteurs autrefois animistes et peu à peu christianisés par les missionnaires français. Au nord et à l'est, dans des régions désertiques, on trouve des nomades musulmans qui ont une longue tradition guerrière et qui ont toujours été rebelles à la colonisation. À la différence des gens du Sud, des sédentaires, qui ont formé la plupart des cadres indigènes de la colonisation. Et ces deux groupes ne s'entendent pas ? Non, mais leur ressentiment date d'avant la colonisation, car les guerriers du désert ont longtemps vécu du trafic d'esclaves. Des esclaves qu'ils venaient capturer justement dans les tribus du Sud et revendaient dans les paysans. Et ça, ça laisse des traces. Ah bah forcément. Au Sud, on n'a pas oublié les Redzou des nomades du Nord. D'autant que certaines expéditions punitives menées par la garde présidentielle ont un petit peu ravivé ces souvenirs. Puis là, il y a aujourd'hui le Darfour. Oui, vous avez raison. Dans cette province soudanaise voisine du Tchad, des cavaliers arabes s'attaquent aux populations noires. Mais si vous le voulez bien, nous en reparlerons, car la crise du Darfour rejaillit obligatoirement sur le Tchad. À cause des réfugiés. Pas seulement. Les Soudanais victimes de ces raids meurtriers appartiennent à la même ethnie que celle qui est actuellement au pouvoir, N'Djamena. Donc au Tchad, on est tenté de venir à leur secours. Oui, enfin n'allons pas trop vite. J'y reviendrai, je vous le promets. Je fais un bref retour en arrière. Dès les années 60, donc tout de suite après l'accession du Tchad à l'indépendance, le traditionnel conflit entre le Nord et le Sud se réveille. Le président tchadien, François Tombal Baye, est alors un sudiste qui entend coloniser le Nord et n'en fera pas plus pour provoquer une rébellion chez les populations guerrières promptes à prendre les armes. Et la position de l'ancien colonisateur? La France soutient alors fermement Tombalbaye. Y compris militairement? Évidemment. Un accord de coopération militaire technique lie le Tchad à la France. Et quand à la fin des années 60, Tombalbaye appelle à l'aide, il est immédiatement entendu. Et un contingent de 2000 soldats est envoyé au Tchad afin de lutter contre la guérilla du Nord. Et pas mal de militaires français le paieront de leur vie. Car la guerre dans ces régions quasi désertiques et arides ne ressemble à rien de ce qu'ils ont connu. C'est la mobilité qui compte, hein, c'est ça. Oui, les guerriers du Nord ont remplacé les chameaux d'autrefois par des 4x4 armées de mitrailleuses qui leur permettent de se déplacer très rapidement. J'imagine, que le turbulent voisin libyen doit suivre ça de très près. Le colonel Kadhafi se sent presque naturellement proche de ces rebelles musulmans. Et puis il a toujours lorgné sur la fameuse bande d'Aouzou. Bande de terre, oui, qui est située entre les deux pays et qui fait l'objet d'une longue contestation. D'ailleurs, en 1973, je crois, le leader libyen l'annexe carrément et envoie ses troupes. Mais enfin, je vais peut-être vite. Oh, ça ne nous ressemble pas trop, ça. C'est un peu facile, ça. Alors, les choses se gâtent peu à peu entre Tombalbaye et la France. Mais pour quelle raison? Tombalbaye qui gouverne en dictateur et s'appuie sur un parti unique, truffé de membres de son ethnie, rencontre de plus en plus de difficultés. Et comme il lui faut bien désigner un bouc émissaire, il choisit la France. Mais l'ancien colonisateur. Qu'il accuse de se mêler en permanence de ses affaires. Ouais. Ce qui ne doit pas être tout à fait faux. Bien sûr. Donc Tombalbaye se fâche et commence à faire les yeux doux à la Libye. Malgré l'annexion de la bande d'Aouzou et le soutien que Kadhafi apporte aux rebelles du Nord. C'est pourtant la vérité. Alors, vient le moment où il faut se débarrasser de lui. Oui, et Tombalbaye est débarqué et tué. Ah, tué. Il est remplacé par un général, lui aussi sudiste, Maloum. Avec l'appui de la France. C'est certain. Les services de sécurité du Tchad étaient alors au moins d'agents français. Ce qui suit est assez complexe. Mais vous me direz, rien n'est simple au Tchad. D'abord, les rebelles du Nord se déchirent. En gros, il existe deux factions. L'une est dirigée par Hissène Habré. Hissène Habré, le ravisseur de Françoise Claustre. Oui, la Faïa Fort-Largeau. Oui, cet ancien sous-préfet formé par la France aspire à exercer des fonctions ministérielles. Et il va bientôt prendre secrètement contact avec le président tchadien. Maloum. C'est ça. Et la deuxième faction? Elle est dirigée par un autre seigneur de la guerre, un homme qui jouit d'un grand prestige parmi les populations du Nord, Koukouni Wedei. Lui s'appuie sur la Libye. Mais c'est aussi lui, si je me souviens bien, qui libérera les époux Claustre. C'est vrai. Le clivage entre ces deux chefs de guerre porte donc sur l'attitude adoptée vis-à-vis de la Libye. Oui, Habré est contre et Wedei est pour. Oui, mais ça changera. En attendant, c'est Wedei qui accumule les succès militaires et s'empare de plusieurs villes. Donc avec l'aide de Kadhafi? Certainement. Le colonel libyen aurait même recruté d'anciens bérets verts américains pour entraîner des troupes destinées à combattre au Tchad. Des Américains, quand on pense ensuite au démêlé de Kadhafi avec les États-Unis, c'est assez curieux. Oui, je suis d'accord avec vous. En tout cas, en 1978, les progrès des troupes de Wedei, aidés ou pas par la Libye, sont suffisamment importants pour provoquer la panique à N'Djamena. La capitale semble d'ailleurs à portée de main des rebelles. Et le général Maloum fait appel à la France. Qui veut envoyer des troupes. Des parrains, oui. Qui viennent renforcer le contingent déjà présent au Tchad. La France envoie aussi quelques avions Jaguar. Ça suffit à repousser les forces de Wedei? Oui, Maloum est sauvé, au moins provisoirement. Et le président Giscard d'Estaing estime avoir aussi rassuré les autres protégés de la France en Afrique. Ouais, d'ailleurs, si vous êtes menacé, on viendra aussitôt à votre secours. Exactement. Ouais. Bon, alors je continue. Quelques semaines plus tard, coup de théâtre. L'ancien rebelle, Hissène Habré, devient le premier ministre du général Maloum. Il a enfin réussi. Et il pactise avec le pouvoir contre son allié d'hier, Koukouni Wedei. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il faut aussi voir dans cette manœuvre la main des services français? C'est probable. Habré avait des partisans chez nous, même si les militaires ne lui avaient pas pardonné l'assassinat du commandant Galopin. Cet émissaire français venu négocier la libération des Claustres. Oui. Cet accord entre Habré et Maloum attise la colère de son rival Wedei. Et donc de l'allié libyen en même temps. Il ne peut pas en aller autrement. Mais il faut surtout noter que la politique de la France vis-à-vis de la Libye est pleine de contradictions et même, osons le mot, schizophrène. D'un côté, Kadhafi, qui se mêle de ce qui ne le regarde pas au Tchad et ailleurs, est considéré comme un dangereux trublion. Il y aura à l'époque plusieurs tentatives françaises pour le déstabiliser et même l'éliminer. C'est incontestable, oui. Mais de l'autre côté, on continue de faire d'excellentes affaires avec son pays. Ouais, des ventes d'armes. Entre autres, oui. Vous voyez donc que tout cela est très compliqué. Et ça va continuer, car il va guère se passer de temps avant que le Tchad tout entier ne soit plongé dans une véritable... Un mot sur Hissène Habré qui va occuper une place centrale dans cette histoire. Voici les éléments de biographie que j'ai trouvés dans l'ouvrage « Les mondes rebelles ». Né en 1942 à Fayal-Arjo, il est d'ethnie Daza. Après ses études, il entre dans l'administration tchadienne et devient en 1963 préfet de Moussoro, puis occupe un poste administratif au ministère des Affaires étrangères. Bien que nordiste, il est envoyé en France se perfectionner et suit les cours de l'Institut des hautes études de l'Outre-mer. Rentré au Tchad en 1969, il prend le maquis en 1971 et rencontre Goukouni Wedeï. Et plus loin, les auteurs parlent des rapports entre les deux chefs rebelles. Les relations conflictuelles entre les deux hommes vont devenir l'un des fondements de l'évolution du Tchad tout au long des années 70 et 80. L'antagonisme qui les oppose est tout à la fois de nature sociale, entre le fils d'un aristocrate Teda et le fils d'un berger Daza. Ethnique, les Teda sont historiquement liés à la Libye, tandis que les Daza sont plus tournés vers l'espace tchadien. Et politique, Abré professe un nationalisme ombrageux, alors que Wedeï n'a pas hésité à diverses reprises à solliciter l'aide libyenne. À cela s'ajoute le comportement hautain d'Abré à l'encontre de Goukouni, qui en sera toujours meurtri. Tout au long de ses combats contre Goukouni Wedeï, la Libye et ses alliés, Hissène Abré a toujours fait preuve d'un grand courage physique et d'une grande intelligence politique et tactique, lui conférant incontestablement la stature d'un homme d'État. Sans anticiper sur la suite du récit de M. X, j'ajoute quand même que Abré sera en l'an 2000 inculpé pour complicité d'actes de torture. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais Abré et Maloum ne tardent pas à entrer en conflit, tandis que la rébellion du Nord redouble d'activité et qu'un autre front s'ouvre au Sud. Encore une rébellion ? Oui, sans doute soutenue par le voisin nigérien. Bref, c'est la plus grande confusion. À N'Djamena, même, le général Maloum laisse la place à Hissène Abré. Mais ce dernier doit accepter la création d'un gouvernement d'union nationale présidé par son rival, Wedeï. Mmh. Abré en fait partie. Oui, en tant que ministre de la Défense. Mais bon, cet accord ne va pas tarder à voler en éclats. Mmh. Et tout ça donne l'impression que la France ne contrôle plus vraiment la situation. C'est parfaitement exact. D'autant qu'à Paris, chacun tire à hue et à dire. C'est-à-dire ? Eh bien, on ne sait pas sur quel cheval miser. Un seul exemple. Du côté des services secrets, on en tient plutôt pour Abré. Tandis qu'au ministère de la Coopération, on soutient Wedeï. Et qu'au Quai d'Orsay, on se préoccupe surtout des menées de Kadhafi, le meilleur allié de Wedeï. Ça fait des ordres. Et comment ? En outre, les différents protagonistes tchadiens, pour une fois d'accord entre eux, demandent le retrait des forces françaises. Elles partent effectivement ? Oui, pas très loin. Les militaires se replient en Centrafrique, autre bastion de la présence française en Afrique. Là où les paras français viennent tout juste de déloger l'empereur Bokassa. Oui. Sur le terrain, je vous l'ai dit, la situation dégénère très vite. Wedeï, soutenu par des troupes libyennes, et Abré se livre une bataille acharnée jusque dans N'Djamena pour s'emparer du pouvoir. Ça signifie en tout cas que ce sont maintenant les hommes du Nord, même divisés, qui désormais sont les maîtres du jeu. Et ils le sont toujours depuis cette époque. Quoi qu'il en soit, le conflit armé entre les factions rivales tourne à l'avantage de Wedeï. Abré vaincu, file se réfugier chez le voisin soudanais. C'est donc aussi une victoire de la Libye. Assurément. Et Kadhafi, obnubilé par sa manie d'essayer de marier son pays à ses voisins, propose aussitôt une union du Tchad et de la Libye. C'est sérieux, ça ? Bah, au moins pendant quelques mois, car Wedeï, aussi dépendant soit-il du colonel libyen, se méfie. Mmh. On était à quelle date, là ? Au début de 1981. D'accord. À Paris, bien entendu, on ne peut pas accepter ce projet de mariage qui signifierait une perte d'influence définitive dans cette ancienne colonie. Alors, il est décidé d'aider Hissène Abré à reconquérir le pouvoir. Et les services commencent à livrer des armes à ces forces toujours repliées au Soudan. Excusez-moi, mais je trouve ça assez hallucinant. Oui, bah, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Enfin, il y a des arrière-pensées. Mais quoi, le pétrole, par exemple. On sait depuis plusieurs années que le sous-sol tchadien est riche en pétrole. Et puis, il se murmure que dans le Nord, il y aurait aussi la présence d'uranium. Donc, vous le voyez, on ne se bagarre pas seulement pour quelques arpents de sable et de cailloux. Oui. Est-ce que l'arrivée au pouvoir des socialistes, des réseaux... Finalement, vous le savez très bien, le réalisme l'emportera sur la morale. C'est-à-dire essentiellement la défense des intérêts français. La preuve, c'est que Jean-Pierre Cotte, le ministre de la Coopération, qui veut justement moraliser nos rapports avec nos anciennes colonies, ne tardera pas à être remplacé. Il y aura quand même, pour être honnête, le discours de La Baule prononcé par Mitterrand lors d'un sommet franco-africain. Et demandant aux dirigeants de démocratiser leurs pratiques politiques, ouais. Certes. Beau discours, mais a-t-il été suivi des faits ? Bon, reprenons si vous voulez bien. Le nouveau gouvernement français découvre avec un certain effarement l'imbroglio tchadien et tente d'y mettre un peu d'ordre. Ça veut donc dire que la France va continuer à se mêler des affaires du Tchad. Eh bien entendu. Et Mitterrand comprend vite que la clé de l'affaire, c'est la Libye. Giscard d'Estaing voulait se débarrasser de Kadhafi, y compris en donnant son aval à un plan américain visant à le liquider par la force. Mitterrand, lui, va essayer la conciliation. Il débloque d'importants contrats gelés par son prédécesseur. Des contrats de quoi ? Armes, pétrole. Mais en même temps, il demande à Kadhafi de rappeler ses troupes qui se trouvent au Tchad. Oui, c'est un marchandage, au fond. Oui, marchand de tapis. Et en même temps, on fait pression sur le président Wedeï pour qu'il demande lui aussi à Kadhafi de rapatrier ses militaires. Et le plus étonnant, c'est que ça marche. Les Libyens quittent effectivement le Tchad ? Oui, pour une fois, Kadhafi tient ses promesses. Je souligne, parce que ça ne sera pas si fréquent. Et pour une fois, c'est sans doute lui qui a été abusé. Pourquoi, là ? Parce que les Libyens ont à peine quitté le Tchad, que Hissène Habré passe à l'offensive et abandonne sa retraite soudanaise pour attaquer les forces de Koukouni Wedeï. Mais, selon vous, là, qui a abusé Kadhafi ? Des Français. Des Français, dites-vous. Des Français, ça ne veut pas dire la France. En effet. Le SDEC, qui va bientôt devenir la DGSE, joue la carte Habré. Sans l'aval des autorités françaises ? Je le pense. Enfin, ces autorités peuvent aussi fermer les yeux. Ah oui, ma main gauche ne sait pas ce que fait ma main droite. Bien sûr, et puis il y a aussi les anciens réseaux. Facile. Focard ? Certainement. Des réseaux qui procèdent aussi à une manœuvre d'intoxication. Ils inventent un coup d'État, N'Djamena. Un putsch organisé avec l'aide de la Libye. Mais le but, elle a... Embarrasser l'Élysée et le gouvernement socialiste à quelques jours de la tenue d'un sommet franco-américain à Paris. Et sans doute aussi la volonté de persuader Paris que la Libye joue double jeu et qu'il faut donc soutenir son meilleur adversaire. Ah oui. Quoi qu'il en soit, ce dernier avance en direction de N'Djamena. Et dans les fourgons de son armée, on trouve des mercenaires, des amis du fameux Bob Denard. Encore lui. Ouais, ce qui est un nouveau signe que nos services secrets ne sont pas innocents dans cette affaire. Et ils ne sont pas les seuls. Qui encore, là ? Des Américains qui ont eux aussi livré des armes à Hissène Habré. Parce qu'il est hostile au colonel Kadhafi. Naturellement. Ouais. Et au bout de quelques mois, les forces armées de Habré pénètrent sans coup férir dans N'Djamena. Le chef qui les commande est un certain Idriss Déby. L'actuel président tchadien. Oui, et on reparlera de lui. Et Wedeï, alors, qu'est-il devenu ? Il s'est enfui à l'étranger, mais il va bientôt regagner son fief du Nord. Habré a donc gagné. Et avec lui, la France. Très vite, le nouveau président tchadien, qui jugule aussi la rébellion au Sud, signe une convention de coopération avec notre pays. Et Paris se débrouille pour lui obtenir une aide substantielle de bailleurs de fonds occidentaux. Il y en a pour des dizaines de millions de francs. Une récompense. En quelque sorte. En outre, ce sont des agents français qui sont désormais chargés de former les services de sécurité tchadiens. Donc, si je vous comprends bien, c'est donc à nouveau la tutelle française. Oui, mais c'est pas pour autant la paix, loin de là. Wedeï annonce la formation d'un gouvernement en exil et reprend la lutte dans le nord du pays. Et la Libye, qui estime avoir été trompée, espère, grâce à lui, prendre sa revanche. Revenons un tout petit peu en arrière. Voici comment Jean-Pierre Cotte décrit la situation du Tchad et la politique française dans ce pays lorsque la gauche arrive au pouvoir en 1981. Trois politiques s'opposent, menées simultanément dans une cacophonie publique. Le Quai d'Orsay abandonne la partie et cherche à calmer le colonel Kadhafi en lui prodiguant de bonnes grâces. Le ministre de la Coopération conserve un attachement pour le colonel Kamougué, qui s'est taillé dans le sud un réduit autonome. Une opération cambouis est en cours destinée à remettre en marche les véhicules nécessaires au colonel. Les services spéciaux continuent à soutenir à l'est Hissène Habré qui, accroché au contrefort soudanais avec l'appui des États-Unis, mène une guérilla contre le gouvernement du président Koukouni Wedeï et les troupes libyennes qui occupent le pays. Chacune de ces politiques contredit les efforts de l'autre. Si les services s'en donnent à cœur joie, l'autorité de l'État n'y trouve pas son compte et la France perd sur tous les tableaux. Ce texte est extrait du livre de Jean-Pierre Cotte, À l'épreuve du pouvoir. Koukouni Wedeï repasse donc à l'offensive. Oui, et au début de l'été 1983, toujours soutenu par des unités libyennes, le leader nordiste lance une offensive de grande envergure et s'empare de l'oasis de Faya Lorjo. En même temps, au sud, les Nigérians en profitent pour semer le trouble à proximité du lac Tchad. Paris, tout en envoyant quelques équipes de notre service action, s'en prend directement à Kadhafi et lui enjoint de retirer ses troupes. Mais le colonel réplique avec hauteur qu'il considérera toute intervention étrangère au Tchad comme une agression contre la Libye. Oui, une menace contre la France. C'est évident. Havré, conscient du danger, presse Paris d'intervenir. Reagan est sur la même ligne et demande à la France de soutenir plus activement encore le Tchad contre l'agression libyenne. Reagan. Réaction de Mitterrand ? Bon, il n'a pas très envie d'engager directement les forces françaises, même si les accords de coopération passés entre les deux pays le permettent. Aussi, dans un premier temps, le président français se contente d'envoyer là-bas des spécialistes de la DGSE et des mercenaires. Ah, des mercenaires. On est loin de... Comment dire, de la moralisation prônée au début du septennat. Et notez que le ministre de la Coopération a changé. C'est maintenant Christianucci. L'homme qui se fera un nom, si je puis dire, avec l'affaire du carrefour du développement. Et vous ne croyez pas si bien dire, car il faut bien les payer, ces mercenaires. Les autorités françaises ne peuvent pas se permettre de le faire directement. Aussi, c'est l'association Carrefour du développement, tout juste créée dans ce but, qui est chargée de les payer et les équiper. Une opération de passe-passe, quoi. En effet. Toutefois, malgré la présence de ces mercenaires, Koukounik continue à gagner du terrain, même si Faïa Larjo a été momentanément reprise. Il faut donc passer à la puissance supérieure. Oui, oui, les Américains ouvrent leur porte-monnaie et accordent 15 millions de dollars au Tchad, tandis que la France décide enfin à bouger. Il s'agit de l'opération Manta. L'envoi de 3000 soldats. Cependant, cette force ne doit pas intervenir directement. Elle doit non pas chasser les troupes libyennes présentes au nord, mais imposer une ligne rouge que ces mêmes Libyens ne doivent pas franchir. J'imagine que ça ne peut pas satisfaire entièrement Issa Nabré. Ni les Américains, qui veulent que les Français boutent les Libyens hors du Tchad et profitent même de leur avantage pour se débarrasser une fois pour toutes de Kadhafi. Bref, Washington voudrait que Paris fasse le travail à sa place. Tout à fait. Et ça crée des difficultés entre les deux capitales. Mitterrand supporte mal les pressions états-uniennes. Et il apprécie peu que les Américains envoient deux avions d'observation à Wax pour surveiller la frontière entre le Tchad et la Libye. Ingérence. Oh, c'est ce qu'on pense à Paris. Et ça ne sera pas la seule fois, vous verrez. Manta doit donc être une opération limitée. Géographiquement limitée. Oui. Cependant, la situation n'est pas longtemps tenable, d'autant qu'en janvier 84, un avion Jaguar est abattu par un missile sol-air de fabrication soviétique. Un missile tiré par les Libyens. Vraisemblablement. Ça ne sert à rien. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. Et c'est ce que doit aussi se dire Mitterrand, qui décide soudain l'abandon de l'opération. Tiens, le repli. Oui, mais la surprise générale. Alors, expliquez-moi la... Que s'est-il passé ? À mon avis, mais enfin, je n'en ai pas la preuve, Paris et Tripoli ont dû passer un accord secret. Un accord de retrait mutuel ? Sans doute. Mais Kadhafi, qui estime avoir été trompé en 1981, n'est nullement décidé à le respecter. Oui, c'est-à-dire qu'il ne retire pas ses troupes. Aucunement. Et ça provoque la fureur de Issa Nabré, qui échappe d'ailleurs à un attentat organisé, selon toute vraisemblance, par les services libyens. Et ici se place un événement dont vous vous souvenez peut-être. La rencontre entre Mitterrand et Kadhafi. Oui, c'est en Crète. Oui, en novembre 1984. Mais malgré les belles paroles qui furent échangées, Paris se rendit rapidement compte que Kadhafi n'avait toujours pas l'intention d'évacuer le nord du Tchad. Alors c'était donc au tour de Paris d'être abusé. Et Paris qui se refusait pourtant à faire la guerre pour le nord du Tchad. Oh, certes, on assurait Issa Nabré qu'on ne le lâcherait pas. Mais il n'était pas question d'aller plus loin. D'autant que des nouvelles très préoccupantes arrivaient à Paris. C'est-à-dire quoi ? Des informations sur des massacres perpétrés au sud par l'armée tchadienne commandée par le général Idriss Déby. Pourquoi ces massacres ? Au sud, il existait toujours des rebelles qui contestaient le régime nordiste de Issa Nabré. On les appelait les Kodo, ou Kodos, une abréviation pour commando. Ces rebelles étaient donc considérés par N'Djamena comme étant des alliés objectifs de la guérilla du Nord dirigée par Wadeï. Voilà pourquoi l'armée tchadienne est intervenue et s'est livrée à de véritables massacres qui ont touché principalement les populations civiles. Pour impressionner indirectement les rebelles ? Et terroriser tous ceux qui pourraient être tentés de leur venir en aide. Alors, selon vous, ces massacres expliquent aussi la tiédeur de Paris ? C'est probable. La patrie des droits de l'homme, comme elle aime à s'appeler, peut difficilement approuver. Même si cela est teinté d'une grande hypocrisie, car... Nous entretenons toujours une garnison à N'Djamena et nos agents secrets sont toujours présents. Toutefois, cette volonté de Paris de ne pas se frotter directement aux Libyens n'est pas sans conséquence. C'est-à-dire, là, qu'est-ce que vous voulez dire ? Les Américains, eux, n'ont pas ce genre de scrupules. Ils aident de plus en plus le régime de Issa Nabré. Et cela doit être mis en parallèle avec la volonté toujours plus affirmée du président Reagan de se débarrasser physiquement du colonel Kadhafi. Oui, En 1986, ça se traduira par les bombardements américains de Tripoli. Oui, dont réchappera le leader libyen aux grandes dames de Reagan. Mais auparavant, les Américains ont mis au point un programme très secret dont les Français n'auront connaissance, mais très tardivement. De quoi s'agit-il, alors ? Bon, un tout petit peu de patience. Laissez-moi poursuivre. Oui, donc, je ne peux pas rien faire d'autre. Voilà, c'est bien ça. Au début de l'année 1986, on assiste à une nouvelle offensive de Kokuni Wadai qui franchit la fameuse ligne rouge. Paris peut difficilement laisser faire sans perdre la face. Et c'est la mise en place de la seconde opération militaire française au Tchad, Épervier. Mais c'est son nom de code, ça. Oui. Paris envoie des centaines d'hommes au Tchad et de nombreux équipements militaires. Avec l'aide, il faut le souligner, de l'aviation américaine. Les Américains, trop contents d'aider la France. Et de lui faire comprendre qu'elle manque cruellement de moyens de transport pour les interventions à longue distance. Oui. Enfin bref. Les forces françaises sont bientôt à pied d'œuvre. Et nos chasseurs-bombardiers attaquent une base libyenne au nord du Tchad. Ça suffit pour calmer Kadhafi ? Pas très longtemps, mais les troupes tchadiennes de Hissène Habré, puissamment aidées par les Français et les Américains, vont peu à peu triompher des Libyens. Ça va leur être d'autant plus facile qu'un surprenant renversement d'alliance se produit. Kokuni Wadai se fâche avec Kadhafi et annonce son intention de se rapprocher de son vieux rival Hissène Habré. Mais décidément, rien n'est simple au Tchad. N'est-ce pas ? Et on verra même l'aviation française parachuter du matériel aux hommes de Wadai, qui étaient naguère nos adversaires. En tout cas, Hissène Habré, grâce à ce retournement d'alliance, va pouvoir gagner la guerre du Nord. Et en septembre 1987, le colonel Kadhafi sera contraint de signer un cessez-le-feu, ce qui met fin très provisoirement aux troubles. Mais je vous propose de poursuivre la semaine prochaine. D'accord, mais avant de nous quitter, quand même, faut me donner quelques éclaircissements là, sur ce programme secret des Américains au Tchad. Là, qu'est-ce que c'était ? Tout simplement, la création d'une véritable armée libyenne anti-Kadhafi. Et l'affaire en elle-même est très curieuse. Je vous écoute, là. C'est l'opération Haftar, du nom de l'officier qui a été choisi pour commander cette armée secrète, entraînée par des bérets verts américains et des agents de la CIA. Elle est d'abord formée par des Libyens qui ont été faits prisonniers. Des Libyens, des soldats libyens. Bien sûr, oui, des hommes qui ont été retournés. Ils sont ensuite rejoints par des exilés libyens venus de différents pays arabes. Et tout ça, là, ça fait combien d'hommes ? À peu près 600, casernés près de N'Djamena, à la barbe des militaires français présents. À la barbe des militaires, ça, c'est intéressant. Et quelle mission, alors, compte-t-on leur fixer ? Les Américains envisagent très certainement de les utiliser dans des opérations de déstabilisation en Libye. C'est-à-dire en les parachutant là-bas ? Oui, ou en les infiltrant à partir de la Tunisie ou de l'Égypte. Enfin, peu importe. Ce qui compte dans cette affaire, c'est que lorsque les Français l'apprendront bien plus tard, ils auront l'impression d'avoir été trahis par Hissène Habré. Et ça ne sera pas sans conséquence. Parce que la France finira par lâcher Habré ? Oui, mais enfin, nous verrons ça dans notre prochain entretien. Qu'est devenue cette force Haftar ? Voici ce qu'affirme Guy Penn, ancien conseiller pour les affaires africaines de François Mitterrand, dans son livre « Mémoire d'Afrique ». Ce n'est qu'après la défaite d'Habré que Paris est informé de l'existence de la force Haftar. Les États-Unis veulent alors l'évacuer en toute hâte, car Kadhafi réclame à Idriss Déby ses chiens errants pour les châtier. L'armée française coopère à l'évacuation sur l'aérodrome de N'Djamena par deux avions américains C-141 qui conduiront les ex-soldats de Kadhafi au Nigeria et à Kamina, la base secrète de la CIA, au Zaïre. D'autre part, l'ancien patron de la DGSE, Claude Silberzahn, confirme les propos de M. X dans son livre « Au cœur du secret ». Paris a bien abandonné Habré parce qu'il avait trahi la France en jouant dans son dos avec les Américains.